dans la nuit, je marche à pas léger et sans faire de bruit. Je guette l'ennemi qui peut surgir d'un coup, de derrière la maison ou de je ne sais où. Surtout, il ne faut pas lui montrer que j'ai peur. C'est moi le plus costaud, c'est moi la terreur. Mais sous le lampadaire là-bas au bout de la rue, une forme bizarre avec un chapeau dessus. Des mains de géants et des bras encore plus grands, des yeux gros comme ça et des oreilles d'éléphant. D'où je suis je vois son museau de loup-garou, de cornes sur le front et des longs poils dans le cou. J'ai peur. En traversant la rue, je vois sa forme noire. Au coin de l'arrêt de bus, il a changé de trottoir. Il doit rôder dans le coin, enfin pas loin d'ici. Il disparaît le jour et ne sort que la nuit. Est-il vraiment méchant ou tout simplement laid? J'en ai parlé un peu, personne ne le connaît. Il faut que je me presse car je sais qu'il est là. Je vous l'ai déjà dit, il fait peur et il a des mains de géant et des bras encore plus grands, des yeux gros comme ça et des oreilles d'éléphant. D'où je suis je vois son museau de loup-garou, de cornes sur le front et des longs poils dans le cou. J'ai peur. Je prends le raccourci par le supermarché. Je hâte un peu mon pas, il va bientôt fermer. Au milieu des caddies, je vois une lueur. Ce sont ses yeux brillants qui clignent et me font peur. Tout au bout du parking, j'emprunte le boulevard. Les voitures sont pressées, il est vraiment très tard. Je traverse en courant le grand jardin public et je sens dans mon dos son souffle maléfique. Ses mains de géant et ses bras encore plus grands, ses yeux gros comme ça et ses oreilles d'éléphant. D'où je suis je vois son museau de loup-garou, de cornes sur le front et ses longs poils dans le cou. Cela fait Carabosse ou bien le père Fouettard qui cherche à me punir parce que je rentre tard. Ou bien est-ce un vampire qui veut sucer mon sang, une araignée mortelle ou un monstre méchant. Ça y est, au loin là-bas, j'aperçois le carrefour, une cartable qui saute et de plus en plus lourd. Je vais tourner à droite dans la rue Blaise-Sandras. Encore un petit effort, ma maison est en face. Des mains de géants et des bras encore plus grands, des yeux gros comme ça et des oreilles d'éléphant. D'où je suis je vois son museau de loup-garou, de cornes sur le front et des longs poils dans le cou. J'ai peur. Je suis prêt à rentrer, il est sur le trottoir quand passe une voiture qui l'éclaire de ses phares. Mais c'est monsieur Marcel qui rentre du travail avec sa grande échelle et tout son attirail. Sur le dernier barreau est suspendu son seau et derrière son oreille il porte son pinceau. Avec son vieux mégot, alors qu'il me suivait dans la lueur du soir, j'ai bien cru qu'il avait des mains de géant et des bras encore plus grands, des yeux gros comme ça et des oreilles d'éléphant. D'où je suis je vois son museau de loup-garou, de cornes sur le front et des longs poils dans le cou. Des mains de géant et des bras encore plus grands.